Chapitre 118. Les impressions de Julien à Paris. Le départ, Versailles. Quelques grands hommes de Paris et de l'Île-de-France. Les poètes classiques, Racine, Boileau. Un grand chimiste, Lavoisier. Paris a produit tant de grands hommes et d'hommes utiles qu'on ne sait comment choisir dans le nombre. C'est la ville du monde qui s'est le plus illustrée par les travaux de l'esprit. Le temps passe vite à Paris. Quand on eut fini de voir le jardin des plantes, la brume du soir commençait déjà à s'étendre. Et de toutes parts, les becs de gaz s'allumaient. On suivit les quais de la Seine jusqu'au Louvre, qu'on admira en passant. André expliqua à Julien que les salles de ce palais sont remplies par les plus beaux tableaux des grands peintres de tous les pays. Le public peut les visiter tous les jours à certaines heures. Mais le pauvre Julien était si las et avait vu tant de choses dans la journée qu'il finissait par en être tout étourdi, et qu'il n'avait plus qu'une envie, souper pour se coucher de bonne heure. « Eh bien, dit l'oncle Franz en riant, je vois que notre petit Julien commence à demander grâce, et que demain il quittera Paris avec moins de regrets qu'il ne croyait d'abord. »« Hélas, oui, répondit l'enfant, je suis tout de même bien content de connaître Paris, et j'aurai grand plaisir à me rappeler plus tard tout ce que j'y ai vu de beau. J'aime Paris de tout mon cœur, parce que c'est la capitale de la France. » « Mais tenez, mon oncle, à vous dire franchement, je suis si fatigué de rencontrer tant de monde et d'entendre tant de bruit que je me réjouis de ne plus voir bientôt que des champs, des bœufs et des vaches. »« Oh, oh, dit l'oncle, c'est très loin. Et je pense comme toi, mon Julien. Seulement, avant de soigner les vaches, il faudra retourner à l'école encore longtemps. »« Oui, dit l'enfant gaiement, et j'espère m'appliquer à l'école plus encore qu'autrefois. » Le lendemain, lorsqu'on eut reçu l'argent de l'oncle Franz, on se dirigea vers la gare de l'Ouest. Et on monta en wagon pour aller rejoindre le vieux pilote Guillaume dans la partie de l'Orléanais et de la Beauce, qui est voisine du Perche. On s'arrêta quelques heures à Versailles pour visiter le château que Louis XIV y fit construire et qui lui servit de résidence. André et Julien se promenèrent dans le parc aux allées symétriques et ils admirèrent les nombreux jets d'eau des bassins. C'est à Versailles que se trouve aujourd'hui la Chambre des députés et le Sénat. Après avoir été, jadis, la résidence du roi, Versailles est aujourd'hui celle des représentants de la nation française. On remonta ensuite en chemin de fer, et Julien, pour ne pas perdre son temps en voiture et compléter tout ce qu'il savait déjà de la France, ouvrit son livre sur les grands hommes et lut les derniers chapitres avec attention. L'Île-de-France et surtout Paris ont produit tant de grands hommes que l'espace manquerait pour raconter leur vie. Bornons-nous à quelques mots sur les principaux poètes et savants nés dans cette contrée. Premièrement, Racine, qui fut le rival de Corneille pour la poésie, naquit en 1639, dans une petite ville du département de l'Aisne. Il perdit son père et sa mère dès l'âge de 4 ans, et fut élevé par son grand-père. Il avait un tel goût pour les vers qu'aucun plaisir n'égalait à ses yeux celui de lire les poètes. Racine devint un grand poète à son tour, et fit paraître à Paris une série de chefs-d'œuvre qui contribuèrent à l'éclat du siècle de Louis XIV. Ce sont des pièces de théâtre, en vers, appelées tragédies, où l'on représente des événements propres à émouvoir. Racine avait une âme tendre et généreuse. Il comprenait combien le roi Louis XIV, sur la fin de son règne, avait tort de ne pas mettre fin aux guerres continuelles et aux abus dont souffrait le peuple. Il composa sur ce sujet un écrit où il exprimait respectueusement au roi son avis et ses idées de réforme. Le roi fut irrité et le poète fut disgracié. Racine, qui était déjà malade et dont la sensibilité naturelle était extrême, éprouva un vif chagrin. Son mal s'aggrava et il mourut 2 ans après. Deuxièmement, Boileau, né à Paris en 1636, fut aussi l'un des principaux poètes du siècle de Louis XIV. Il tourna en ridicule dans ses vers les vices et les défauts de son temps. Boileau avait autant de cœur que d'esprit, et il le prouva à plusieurs reprises. Un jour, on lui apprend que le ministre a retiré au vieux Corneille la pension qui lui avait été accordée en récompense de ses glorieux travaux. Corneille n'avait pour vivre que cette pension. Aussitôt, Boileau demande d'être introduit auprès du roi. « Sire, lui dit-il, je ne saurais me résoudre à recevoir une pension de votre majesté, tandis que notre grand Corneille ne reçoit plus la sienne. » Si l'état des finances exige un sacrifice, qu'il retombe sur moi et non sur notre plus illustre poète. Louis XIV consentit à rétablir la pension de Corneille. Un autre jour, Boileau apprend qu'un savant magistrat de l'époque, Patru, est dans la misère et qu'il est réduit pour vivre à vendre sa bibliothèque. Patru va céder ses livres, ses chers livres, son plus grand trésor, et cela pour une faible somme, parce que les acheteurs abusent du besoin où ils se trouvent. Aussitôt Boileau va trouver Patru, il lui propose d'acheter ses livres, et lui en offre un prix élevé. Patru accepte. « Fort bien, dit Boileau, mais je mets à notre marché une condition. Laquelle ? C'est que vous me rendrez le service de garder dans votre maison tous ces livres, qui ne reviendront dans la mienne qu'après votre mort. » Et Patru, les larmes aux yeux, remercie Boileau de cette générosité délicate. Le prix d'un bienfait est double, quand ce bienfait cherche à se cacher lui-même. Troisièmement, parmi les savants nombreux que Paris a vu naître, un des plus illustres est Lavoisier. Né en 1743, il fit ses études dans les grands collèges de Paris et y obtint les plus beaux succès. Dès sa première jeunesse, il montra un goût très vif pour les sciences. Il étudia l'astronomie, puis la botanique avec Jussieu, et enfin une science qu'il devait plus tard transformer et renouveler, la chimie. C'est la chimie qui enseigne de quels éléments les différentes choses sont composées, par exemple de quoi sont formés l'air, l'eau, le feu. C'est cette science qui apprend aussi à fabriquer tant de choses dont nous nous servons. L'alcool, le vinaigre, la potasse, la soude, les couleurs des peintres, celles des teinturiers, les médicaments, des pharmaciens. Au sortir du collège, Lavoisier se retira dans l'isolement, ne voyant personne, mangeant à peine pour pouvoir mieux travailler d'esprit. Aussi, dès l'âge de 25 ans, grâce à ses savants travaux, il fut l'élu membre de l'Académie des sciences. On doit à Lavoisier de nombreuses découvertes. C'est lui qui a su trouver le premier de quel gaz l'air que nous respirons se compose, de quels éléments est formée l'eau que nous buvons. C'est lui qui a expliqué comment la respiration nous fait vivre et entretient la chaleur de notre corps. Lavoisier est le créateur de la chimie moderne. En même temps qu'il se livrait à tous ses travaux par amour de la vérité et de la science, il entreprit, dans un but d'humanité, une foule d'autres études. Il fit des expériences malsaines et dangereuses sur les gaz qui s'échappent des fosses d'aisance et qui si souvent causent la mort des travailleurs. Il raconte lui-même ses expériences avec une noble simplicité et expose toutes les précautions que les travailleurs doivent prendre pour éviter les accidents. Malheureusement, une mort prématurée vint arrêter le grand Lavoisier au milieu de ses travaux. C'était l'époque sanglante de 1794, où la France attaquée de tous côtés, au dehors et au dedans, ne savait plus distinguer ses amis et ses ennemis. Lavoisier, qui avait occupé un poste dans les finances, fut accusé avec beaucoup d'autres. Lui-même, sûr de son innocence, au lieu de s'enfuir, vint noblement se constituer prisonnier. Mais enveloppé dans une condamnation qui frappait à la fois des coupables et des innocents, il mourut sur l'échafaud. La veille de sa mort, les savants qui avaient travaillé avec lui et qui admiraient son génie étaient venus le voir dans son cachot. Il lui avait apporté une couronne, symbole de la gloire, qui lui était réservée dans l'avenir. La cour du Louvre à Paris. Le mot Louvre vient de loup, parce que ce palais a été bâti sur la place d'un ancien rendez-vous de chasse au bord de la Seine, dans une forêt autrefois peuplée de loups. C'est le plus vaste et le plus beau palais de Paris. C'est dans les bâtiments représentés dans la gravure que se trouve le musée du Louvre, où sont réunis les tableaux et les statues les plus célèbres de tous les peintres et statuaires du monde. Versailles, le château et le parc. Versailles est une belle ville de 50 000 habitants, placée à quelques lieues de Paris. Auprès se trouve le château de Louis XIV, qui forme à lui seul comme une autre ville. Les jardins sont remplis de bassins, de jets d'eau, de cascades qu'on fait couler les jours de fête. C'est ce qu'on nomme les grandes eaux de Versailles. La Chambre des députés. Les députés ou représentants sont des hommes élus par tous les Français, âgés d'au moins 21 ans, pour fixer les impôts et pour faire les lois. Ils se réunissent actuellement à Versailles. À gauche se trouvent le président et les vice-présidents de la Chambre. Au-dessous est la tribune, où parle l'orateur. Les députés sont sur les gradins de l'enceinte. Racine naquit à La Ferté-Milon dans l'Aisne, en 1639, et mourut en 1699. Principale tragédie, Athalie, Britannicus, Esther, etc. Boileau et son jardinier d'Auteuil. Boileau naquit à Paris en 1636 et mourut en 1711. Il avait une maison de campagne aux environs de Paris, à Auteuil, et il raconte dans De jolis vers les causeries qu'il aimait à faire avec son jardinier. Lavoisier dans son cabinet de chimie. Le grand chimiste est occupé à faire bouillir une substance dans un vase recourbé appelé cornu. Il en recueille les vapeurs pour en étudier la composition.